Merci. Paisible. À la fraîche. Décontracté du bilan. On vendra quand on aura envie de bander. Décontracté du gland. Décontracté du gland. On vendra quand on aura envie de bander. On est pas bien. Si. Oui. À la fraîche. Décontracté du gland. On vendra quand on aura envie de bander. On est pas bien. Thank you. Oh, d'être là. C'est très gentil. Merci de m'applaudir et d'applaudir tous les musiciens qui sont dans la salle. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. Non, non. Arrêtez, arrêtez, c'est trop gentil. Non, non, je ne veux pas tout ça. Tu sais, j'ai bien. Thank you.